Bonsoir Manu. Salut. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation dans Gérant d'analyse. Avec plaisir. Yahoo Sport, spécialiste transfert. Jusqu'à là, j'ai bon. Ouais, ça va, ça va. Alors, Manu, avant de parler, on va pas se mentir, avant de parler de ce qui nous intéresse, c'est-à-dire de savoir qui va être l'heureux élu ou les heureux élus qui vont rejoindre les Girondins de Bordeaux, et notamment est-ce que le départ de Jérémy Toualan sera compensé, parce que je pense pas que c'était... Martin dit non. Je crois que non, mais ça c'est pas mon info, c'est votre président qui l'a dit. D'accord, oui, parce que je pense que le départ de Jérémy Toualan n'était pas du tout à l'ordre du jour, enfin... Même si... Moi je crois qu'à partir du moment où ils ont viré Gourvenec, ils savaient que Toualan partait. Je pense qu'ils savaient que c'était le package. Ton avis, Manu, sur ce qui se passe là depuis, grosso modo trois mois, et puis tout spécialement une grosse semaine, on a l'impression que ça tombe en rafale. La journée de jeudi, elle a quand même été terrible. C'est-à-dire que tu apprends, hier, elle a quand même été terrible. Tu perds ton coach, tu perds on ton est capitaine. Vendredi à Bordeaux, c'est ça. Hein ouais. Il y a un petit décalage. Tu perds ton coach, tu perds ton capitaine, tu as une sanction qui te tombe là au niveau des parcages brésiliens. Alors pour le coup, t'as pas de sanction qui tombe puisque financière, j'imagine. On vous donnera le groupe. Ouais, enfin, c'est quand même scandaleux. On vous donnera le groupe pour Nantes. Ils sont tous là. Vous inquiétez pas, ils vont bien. Manu. Comment tu analyses ça? T'es quoi? Moi, de l'extérieur, alors bon, m'en voulez pas, mais je suis pas supporter des Girondins. Il en faut. Ouais. Il y a des gens très bien comme ça. En fait, moi, de l'extérieur, j'ai l'impression que il y a plusieurs coups pour les Girondins. La première, je trouve, qui a été très bien encaissée, c'est Vidéoton. Ah oui. Parce que c'est quand même l'élimination. Qui fait quand même mal, parce que tu te bats toute une saison pour faire l'Europe et perdre de cette façon-là, c'était particulier. Oui, puis tu gagnes 2-1 à l'aller, bon, il n'y a pas plus que ça. En tout cas, c'était pas programmé comme ça, j'imagine. Le deuxième, je dirais que le match au parc fait beaucoup de mal, parce que tu arrives au parc, tu es invaincu. Je crois que t'étais invaincu à ce moment-là. Oui, en tout cas, on te dit tout le monde dans les avis. Moi, je me souviens beaucoup de supporters bordelais qui me demandaient est-ce que tu penses que Bordeaux peut jouer le podium, etc. Donc à ce moment-là, Bordeaux est ambitieux et plutôt positif. Bon, tu prends une volée à Paris, t'es pas le seul et t'es pas le dernier. Et après, je dirais que l'autre qui fait très mal, c'est Marseille. Par rapport à l'arbitrage. Non, rapport à l'arbitrage et au résultat final, c'est-à-dire que je l'ai mis sur un papier hier, alors c'est pas pour faire ma pub, mais tu vois, Bordeaux, c'est toujours comme ça quand ça va mal. Mais même moi de l'extérieur, je dois reconnaître que Bordeaux, par rapport aux décisions, est quand même malchanceux. Et quand je dis malchanceux, c'est la façon polie de le dire, tu vois. Ouais. Parce que contre Marseille. Clairement, le match, il doit être gagné par Bordeaux, ne serait-ce que par rapport à des décisions particulières, et puis aussi par le fait que Benoît Costil n'a pas un arrêt à faire du match, et que tu prends un but à la 93e. Ce match-là, je pense qu'il fait très mal dans les têtes. Et puis, après, la communication, ça j'en ai parlé, parce qu'on suppose qu'on va parler de Gourvenec après. La communication de Bordeaux, de l'extérieur, c'est toujours un mystère. On a l'impression que tu finisses deuxième, cinquième, huitième, vous vous énervez jamais, quoi. On s'énerve. Mais visiblement, ceux qui devraient s'énerver, ils s'énervent pas trop. Ouais. Parce que, sincèrement, la Vidéoton, il y a des endroits où ça aurait secoué beaucoup plus. Mais il y a eu quelque chose à Vidéoton. Le problème, c'est que c'est resté intra ou ayant. C'est-à-dire que les supporters sont allés ou ayant, ont demandé des explications. Après, sur le premier match, on nous explique à ce moment-là que c'est une erreur de parcours, qu'ils avaient misé sur une préparation beaucoup plus longue en misant justement sur le fait d'une qualification, qu'ils ont été surpris par une équipe qui était beaucoup plus fraîche. Et qu'ils ont sous-estimé Vidéoton et qu'ils l'ont pris par-dessus la jambe. C'est clairement ce que nous a dit Gourvenec et Martin ce jour-là, déjà devant les ultras au Hayan. Après, pour revenir sur Paris, on perd 6-2 alors que Paris n'a joué que 45 minutes. ça fait mal. Alors que je suis d'accord avec toi, beaucoup de supporters et beaucoup de médias, je me souviens, et même de Martin qui parlait dans, il me semble que c'était Le Vestiaire ou une émission comme ça sur SFR ou Bein Sport, parlait de 4e place, voire 3e place. C'était Breaking Foot. Mais il n'y a pas Mohamed que Martin qui en parlait, c'est tous les médias qui en parlaient à ce moment-là. Et derrière, derrière, il y a pas mal de choses qui se passent et je pense vraiment que ça fait mal. Alors les décisions d'arbitre, évidemment, ça fait mal, mais bon, après, on peut pas se cacher derrière ça non plus. Et c'est vrai qu'à Bordeaux, on a tendance à souvent se trouver des excuses. Ah, mais ça, c'est le principe des supporters. Alors Dieu sait que j'aime les supporters de foot, mais par exemple, alors c'est dans l'air du temps, c'est un autre débat, mais c'est pour moi la critique de l'arbitrage systématique. C'est le niveau zéro de l'analyse foot. C'est le plus facile à faire. Moi, je suis complètement d'accord avec ça. Plus tard que mardi soir, effectivement, Santini doit se faire expulser et donc pas tirer le penalty. Et donc, il n'y a pas. Enfin, il ne se fait même pas qu'il doit le tirer. C'est que s'il se fait expulser, les rates, les pénaux, il n'y a pas penalty. Ouais. Et donc, allez, parce que clairement, honnêtement, ce match, mardi, Manu, je ne sais pas si tu l'as vu, mais il doit en théorie se terminer à 0-0. Je veux dire, Bordeaux a été nul. Quand a été nul, il doit se finir à 0-0 ce match. Tu parles de l'expulsion de Paul Bayes. Alors, je le cache pas, je connais un peu Paul Bayes et je l'aime beaucoup. Et il doit pas faire ce qu'il fait. Lui, le premier, te le dira. Il doit pas le faire. Tu recrutes Paul parce qu'il a 30 ans, parce qu'il a de l'expérience. Tu le fais venir, il doit pas réagir comme ça. Au pire, il pète les plombs dans les couloirs, il fait tout ce qu'il veut, mais sur le terrain, il peut pas faire ça. Pas lui, en tout cas, pas par rapport au fait qu'il est là. Et puis surtout, mettre cette défaite, comme j'ai plus certains entendu dire, sur le dos de l'arbitre, mais le fait est que jusqu'à la 89e minute, Bordeaux n'a pas inquiété une seule fois ce pauvre gardien remplaçant Canet qui était d'une nullité absolue. C'est pour ça que je te dis que c'est le niveau zéro de l'analyse. C'est-à-dire que, quand tu parles de l'arbitre, oui, il y a une erreur d'arbitrage. Mais t'as perdu un point. Parce que ce match-là, tu t'allais pas le gagner. Contre l'OM, je veux bien l'entendre, tu perds deux points, ce qui est plus. T'as des décisions contre Nantes, contre Caen aussi, si je dis pas de bêtises. Mais après, on se met en position aussi d'être fragilisé par rapport à... T'as complètement raison. Paul, la faute qu'il fait, c'est tu sais quand ça va mal. Ça va mal. Voilà. Dans ce cas-là, c'est inquiétant ce que tu dis, parce que moi, je connais pas Paul, je le connais par rapport à sa carrière, mais on le prend justement pour son expérience, parce qu'il a 30 ans, parce qu'il aime le club, et le fait d'être déjà dans la crise, alors qu'il est là depuis 3 jours, ça pose question. C'est pas nouveau non plus. C'est une réaction épidermique, comme tu peux en avoir, mais sauf que tu peux pas en vouloir à quelqu'un d'avoir une réaction épidermique. Hein. Ah oui, non, ce mais évidemment. Ce que je veux dire, c'est que... Paul, tu le prends pourquoi? Paul, tu le prends parce qu'il connaît la Ligue 1, parce que c'est un dur, tu sais qu'il va t'amener de la dureté, de l'expérience. Sur le premier match, c'est un leader. Mais son match face à Caen est très bon jusqu'à la 89e minute. C'est dommage. Après, ce que je veux dire, c'est quand les choses vont mal. Mais j'ai envie de te dire que si tu reprends les choses, les matchs les uns après les autres, et vous les avez tous vus plus que moi, à 3, tu peux te retrouver mené 1-0. Ah oui. Oui, clairement. Avec le pénalty, et là, comment tu réagis? Ah ben, c'est la crise. C'est ça que je veux dire. Donc, en fait, c'est pour ça que je dis qu'en fait, même si tu... Puisque du coup, comme je savais que je t'ai invité, j'ai regardé un petit peu et je me suis rappelé le début de saison. Bordeaux fait un début de saison qui est plutôt pas mal sur les deux premiers mois. Jusqu'avant Paris, t'es bien. C'est ça. Mais même quand tu regardes, par exemple, à Lyon. Ah mais on est chanceux. Tu t'en sors sur quoi? Bordeaux, tu t'en sors beaucoup sur le talent de Malcolm. Oui, et sur le fait qu'il soit 10-11, parce qu'à 11-11, ce match, jamais tu reviens à 3-1. Mais oui, après, ça, c'est du caractère. Mais en fait, si je te demande, tu sais, pour un observateur de l'extérieur comme moi, l'année dernière, j'avais l'impression de comprendre un peu ce que voulait faire Gourvennec. Je te dis pas que j'y arrivais toujours, mais j'avais l'impression de comprendre un peu ce qu'il voulait faire. Cette année, de l'extérieur... Je sais pas, tactiquement, je comprends pas. Mais tu reflètes exactement notre pensée. C'est-à-dire que l'année dernière, on fait plutôt une bonne saison avec, on va dire, 3 très bons mois entre février et avril. Et bizarrement, cet été, on change tout. On change tout du tout au tout. Énormément de recrues. Alors, c'est vrai que beaucoup on avait marre de cet effectif-là qu'on trouvait vieillissant, qu'on trouvait en fin de vie. Mais finalement, on se retrouve avec. Mais avec une comment dire, une instabilité dans l'effectif, avec peu de leaders dans le vestiaire. D'ailleurs, c'est exactement ce que recherchait. Bayes peut devenir. Ça, ce que Bayes peut devenir. De tes leaders de vestiaire. Mais t'as des leaders aussi de dans le château à Bordeaux. Il y en a pas parce que Martin, c'est pas un mec du football. Ramé, on l'entend pas. Gourvenec a semblé un petit peu isolé. Alors Gourvenec, je veux pas mentir, Manu, je faisais partie de ceux qui voulaient le voir partir avant le mercato hivernal. Donc pour moi à Bordeaux, on est un club de standing. On peut pas se permettre de perdre autant de matchs sans qu'il y ait de sanctions. Alors, je me rends compte que j'ai vu une stat aujourd'hui. Moi, j'aime bien Bordeaux. Et je trouve que dans la hiérarchie des clubs, Bordeaux est haut. Mais par contre, tu te rends compte que depuis Laurent Blanc, on parle de Laurent Blanc, les plus jeunes ouais, c'était 2010. l'ont connu, mais c'était il y a 7 ans, quoi, tu vois le machin. Ah oui. Eh ben, c'est le seul qui a plus de 50% de victoire. Mm. Les autres, le deuxième meilleur a 38%. Oui, ça doit être Gilot. C'est pas possible à Bordeaux. Ouais. C'est Willy Sagnol. Ou Sagnol, ouais. Oui, par rapport à autant qu'il est resté. Ça, mais ce que je veux dire, c'est que là, Gourvenec, il a 55 ou 57 matchs. D'accord, 36% de victoire. Mais t'es Bordeaux, alors je pense qu'ils ne nous écoutent pas, mais t'es pas Caen. T'es pas Troyes. Ils sont en train de jouer, ça passe. T'es Bordeaux. Ah, oui. Tu gagnes pas un match sur trois. C'est ça. Mais le problème, moi, j'entends les gens... depuis ce matin, oui, voilà, alors Martin, nanana, nanana, ils sont en train de jouer, d'ailleurs, ils font 0-0, il reste 3 minutes, c'est la 42e minute, 0-0 entre Caen et Marseille. Oui, voilà, Martin, il connaît rien au football, nanana. Ok, maintenant, moi, ce que je vois, c'est que Martin, il est là depuis un an, hein, grosso modo, ça fera un an au mois de mai, mars. Mars, ouais. Donc ça fera un an qu'il est là. Bordeaux, ça fait pas un an que ça va pas bien. Bordeaux, ça va faire dix ans que ça va pas bien. Donc Monsieur Trio qui était là avant, il a pas fait mieux que Monsieur Martin. Mais alors Trio, il a eu des pics qui font que. Oui, il y a eu des titres de temps en temps. Un bon souvenir, c'est comme nous par exemple dans la quasi-totalité des clubs, René Girard est détesté. Bah Montpellier, on l'adore. Oui, voilà. Tu vois ce que je veux dire. Donc, alors qu'à Nantes, ça doit pas être le même délire, je pense. Non, même à Lille. Et ça doit vous faire beaucoup de peine. Oh, franchement. Bon. On fait langue de bois ou on fait. Sais, Bordeaux de l'extérieur. Moi, c'est un truc qui m'étonne par exemple beaucoup. Tu parlais des leaders de vestiaire tout à l'heure. Oui. Dans ton effectif, on va dire que pour moi, tu peux en avoir que deux. Il y en a que deux. Jusqu'à avant-hier. Costil, Toulalan. Ah, moi, à la place de Costil, je mettais Plazil. Oui, sauf que Plazil. Sauf que Plazil, sur le terrain, il a zéro impact, il joue pas. Oui. Mais par contre, dans le vestiaire, c'est quelqu'un qui parle, qui est écouté. Oui. Ouais. Alors, on va parler entre le leader de vestiaire et aussi sur le terrain. Bah oui. Parce que Plazil, qui a été un superbe joueur, n'a plus l'impact qu'il avait. Il est plus crédible. Mais donc, du coup, moi, de l'extérieur, le traitement de Benoît Costil à Bordeaux, c'est une énigme. Parce qu'il n'est pas performé autant qu'il aurait dû, il n'y a pas de doute. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où tu laisses le doute s'insinuer, tu le mets en position de faiblesse, et surtout, tu as un directeur sportif à Bordeaux, qui est Ulrich Ramé, qui est un ancien gardien emblématique du club. Moi, de l'extérieur, je ne me souviens pas d'une seule grosse déclaration où il tape sur la table et qui dit hey, « Eh, les mecs, on parle de Benoît Costil, il a 30 piges, il a fait l'Euro avec l'équipe de France, stop, fin du débat. » Je me souviens pas. Alors peut-être qu'il l'a fait localement. Vous allez me le dire. Pas du tout. Mais non, à l'extérieur, non. Ramé n'intervient jamais dans le. Ah mais Ramé, c'est pas compliqué. Il ne parle à rien ni à personne. Donc c'est pas compliqué. Et moi, je trouve ça. Pas que c'est une erreur. Ah mais je trouve ça totalement scandaleux. Je veux dire, il doit rendre des comptes, Ulrich Ramé, tout autant que Martin et que Gourvenec. Enfin. Et de l'extérieur, je vais te dire que Gourvenec aujourd'hui. Alors je vais vous piquer un peu. Mais j'ai l'impression que c'était le mec le plus compétent du club. Mais exactement. mais Daniel Riolo disait la même chose. Moi, je suis complètement d'accord avec ça. Je l'écoutais pas, mais ça me fait plaisir d'être d'accord avec lui. Mais ce que je veux dire, c'est que qui aujourd'hui, dans l'organigramme bordelais, peut dire à Gourvenec, attends, c'est comme ça qu'on fait. Ça peut pas être Martin, il arrive. D'accord ? Ramé, il a pas Ramé et aujourd'hui, ce qui est un peu difficile à entendre, c'est que j'ai relu les déclarations de début septembre, où à Bordeaux, tout le monde se félicitait du recrutement. Bah, oui, tout le monde disait bravo à Martin et à Ramé pour le boulot. Bah, nous, les premiers, c'était pas... Bon, ça avait l'air de tenir la route, à peu près. C'est ça. Mais au final, quand tu regardes, ce qui est dur, c'est que Depréville, il va en mettre un débutant. Hein. Oui. Depréville, oui, il en a mis tout le temps. C'est juste qu'il est dans une mauvaise passe. C'est ça. Mais pour m'être renseigné, c'est un mec qui bosse, qui a un super état d'esprit et qui veut réussir. Moi, je connais plusieurs joueurs à Bordeaux qui m'ont dit que c'est pas un mec qui boude et qui a lâché, quoi. Ce qui est dommage, c'est que dans le vestiaire, tout le monde n'est pas ce même état d'esprit. Je me tournerai du côté du Brésil, Bernie. Non, là où je voulais dire avec Manu, moi, je faisais pas partie de ceux qui étaient contents du recrutement à partir du moment où on a laissé partir Palois pour redescendre tout l'allant. Parce que je l'avais dit sur les ondes qu'il y allait avoir un gros problème d'impact physique dans la défense. Car quand tu vois ce que tu as en latéral et même Jovanovic, déjà moi pas, je ne comprends pas pourquoi on l'a recruté. Je ne l'ai pas trouvé très bon depuis le début. Et Gourvenec veut repartir de derrière, mais le problème c'est que tu n'as absolument pas les joueurs pour le faire malgré le recul de Toulalan. Et le relais au milieu aussi, on peut en parler. Et quand tu parlais des leaders, puisqu'on en parlait tout à l'heure, en mettant Toulalan en défense centrale, parce que Toulalan, il a l'âge de ses artères, tu vois, et tu le fragilises aussi. Alors, tu le fragilises aussi. Tu le mets en difficulté dès le début. Un bon début de saison, là, ces derniers matchs, et franchement, contre Strasbourg, c'est terrible, les images. Pour alors, il faut savoir que Toulalan, enfin, Manu, je sais pas si tu avais eu vent de ça aussi, Toulalan voulait déjà plus ou moins... entre guillemets arrêté hein, tout simplement au mois de juin. Apparemment Bordeaux l'a convaincu de rester un an de plus. Au mois de décembre il a commencé aussi à se poser des questions, nanana. Moi personnellement franchement quand j'ai vu sur le téléphone là, le truc l'équipe qui tombe, Jérémy Toulalan quitte Bordeaux, je dis qu'est-ce qui se passe. Après, je suis tombé des nues. Je suis tombé de haut, mais j'ai réfléchi. Alors, je veux pas faire le mec qui savait, mais moi j'ai pas été surpris. Non, parce qu'en fait cet été tu as raison, cet été il voulait arrêter. Voilà. Et ça avait rien à voir avec Bordeaux en lui-même. Non, c'était lui. C'est lui, voilà. Et le fait que sa famille ne vive pas à Bordeaux. Oui, sa famille était repartie à Nantes. Voilà. Alors ça, donc il avait une certaine lassitude. Et Toulalan, tout le monde le sait aussi, il traîne une espèce de spleen depuis des années. Depuis Naïsna. Voilà, ça n'a jamais été un bout en train et avec la plume dans le cul, etc. Mais... C'est ça. Non, mais sur le terrain, au moins, c'était un mec qui se défilait pas, il se cachait pas, il y allait. Alors, non, mais, effectivement... mais quelque chose s'est brisé, puisque pour en avoir parlé avec des gens autour de lui, il y a vraiment quelque chose qui s'est brisé. C'est qu'il a perdu beaucoup de peut-être de ses illusions ou quoi que ce soit, mais déjà, après Malaga... Il avait été à Malaga pour prendre des sous après Lyon pour pouvoir arrêter derrière. Bah oui, Monaco lui file un dernier challenge. Et moi, j'étais même étonné quand il arrivait à Bordeaux, j'y croyais pas. Et là, je sais que cet été, il voulait arrêter le foot parce qu'il trouvait que c'était plutôt une belle sortie. Mais par rapport à Gourvenec l'a convaincu de continuer avec lui. Et puis bon, il y a quelque chose quand même, je me mets à la place. Alors évidemment, il y a deux façons de voir les choses. Il y a ceux qui diront, ouais, voilà. Alors évidemment, moi, je suis super partagé, franchement, parce que effectivement, ça m'embête vraiment, pour pas dire autre chose, de voir le capitaine se barrer quand le navire est en train de prendre l'eau. Mais en même temps, je me dis, je me mets à la place de Toulalan. Franchement, quand je vois la réaction, l'attitude... Alors, ok, je fais peut-être une fixette, hein, mais quand je vois l'attitude d'un Camano, qui quand il rentre, mais c'est même pas qu'il marche, c'est qu'il n'avance même pas. Tu vois, il fait même pas l'effort de courir. Quand je vois trois Brésiliens, et tout Malcolm qu'il est... Il peut se barrer au bout du monde. Quand je vois trois Brésiliens après une défaite minable face à Caen, qui est 15e, d'accord, 2-0, faire des selfies, des vidéos, et rigoler, et dire oui, mais vous savez, on voulait prévenir notre famille, c'est pas méchant. Mais moi, je comprends que Jérémy Toulalan, qui a 36 ans, qui est quand même qui n'est plus de cette génération-là, mais je comprends que le mec, les couilles. Tu te dis que t'arriveras pas à régler les problèmes. Ben oui, c'est ça. Tu vois, quand je te disais que Bordeaux, j'avais l'impression que c'était toujours pareil. Malcolm est un prospect qui peut être un phéno, on va dire ça. C'est-à-dire que c'est un mec qui peut être un très bon joueur, jouer dans un très bon club. Pour le moment, le gamin, il a 19 ans, c'est ça ? 20 ans. Il a 21. 20 ans. Il a un truc. Ça, c'est très clair pour tout le monde. Il a un truc. Maintenant, comment Bordeaux, quand je te dis que Bordeaux est calme, ces agents qui se mettent en scène. Même moi, ça, qui ne suis incroyable. Pas bordelais, ça m'a choqué. Incroyable. Du coup, je l'ai tweeté en disant, mais oh, respectez un petit peu Bordeaux, quoi. Les mecs, tiens, on va discuter avec Arsenal. Tiens, on va à Londres c'est discuter. Ça. Alors, je me suis renseigné. Est-ce que tu sais quand même, pour dire à quel point ils vous ont manqué de respect, ces gens-là, il y a eu zéro offre. Ah oui, mais oui, c'est ce que Wenger disait. Il y a Arsenal, mais Barcelone et Tottenham. Que ça soit de Tottenham, d'Arsenal, Martin, de ce que je sais, il n'a même pas eu à étudier un fax. Tu vois ce que ils je veux dire? Ils ont juste fait monter, ils voulaient juste faire monter un peu le... Oui, faire monter les enchères. Qui a été chercher Malcolm au Brésil? Qui Campo. Le paye et le paye bien, a priori? Qui permet à ses agents ça de voyager en jet privé? C'est Bordeaux. Ah non, mais évidemment. Mais après, quand on va chercher Malcolm, on va le chercher pour faire du pognon. Quand on vend Kasri, on se dit, on va chercher Malcolm pour tenter un coup, pour faire une grosse revente, un petit peu comme le fait Monaco. Et ça va marcher. Kasri voulait partir à ce moment-là aussi. C'est hein. Non, mais évidemment. Mais c'est le coup qui est fait par Bordeaux. C'est cette option-là qui est prise. Malcolm. C'est plutôt bien vu. Malcolm, ils vont faire de l'oseille, tout ce que tu veux, mais à un moment. Sauf que. Pourquoi personne tape sur la table, je veux dire. Et moi, là où je te dis que les leaders n'avaient plus de poids, c'est que qui était capable d'aller voir Malcolm, et peut-être que d'ailleurs, du coup, mentalement, tout l'allant avait lâché, de lui dire, oh, petit, t'inquiète, bon, ça va venir. Mais le problème, Manu... Fini ta saison, ouais, mais Manu, il a raison. Mais le gros problème que tu as quand tu as Malcolm, tu vas voir Malcolm, c'est qu'à un moment donné, il y a la réalité du terrain aussi. Et le problème, c'est que t'as un gamin de 20 ans qui surnage dans une équipe, c'est-à-dire qu'il le voit très bien quand il est là et quand il est pas là. Quand oui. il est pas là, mais ça change mais tout. Mais Cyril, tout. Le fait de surnager ne t'exonère pas oui. d'un bon comportement. Alors, non, mais évidemment, mais quand ton leader est. Quand... comparé à Ronaldinho. Oui, non, mais ça. Ronaldinho, il faisait la fête, il se comportait pas, il surnageait. C'est vrai. C'est vrai. Enfin, le jour où Malcolm, il aura le palmarès de Ronaldinho. Non, mais on est... déjà, première chose. On est d'accord. C'était pour dire le mec qui, tu vois, se comporte moyen, mais qui est bon. Je peux l'entendre. Je l'excuse pas du tout, mais seulement quand un leader parle à un jeune, il faut qu'il soit crédible après sur le terrain. Et le gros problème, il est là. C'est pour ça que je te dis que les leaders n'avaient plus le poids qu'ils devaient avoir. Même si Malcolm, à un moment, je pense pas que ça soit dans son tempérament, mais tout l'allant, il pourrait lui sortir son CV. Ben, ah oui. Manu, tu t'amènes le débat sur un terrain sur lequel j'allais revenir. Le jour où, parce que... Il a déjà été champion du Brésil, Malcolm. À 17 ans, il était champion du Brésil, bon, titulaire à Corinthians. Très bien, bon, ouais. Génial. Bravo, ça fait une carrière. Pablo, il était champion du Brésil. Non, mais... Oui, et puis David aussi, il a été deux fois meilleur buteur, même si on veut. Tu vois. Non, mais à un moment donné... Non, mais à 17 ans, quand t'es champion du Brésil, titulaire dans l'équipe championne du Brésil, ça veut dire quelque chose. Le jour où Malcolm, il aura... Et peut-être ça lui arrivera, et je lui souhaite que ça lui arrive. Mais au jour de là, aujourd'hui, 21h40, on est le 19, Malcolm n'a pas la carrière de Toulalan, n'a pas la carrière de Plasil, n'a pas la carrière de Costil, et je prends que ces trois-là. Au d'accord Costil, il a un trophée de plus, déjà. Que Costil. Je vais pas faire méchant, mais... En termes de match, en termes d'expérience, tout ça. Donc le jour où il aura la carrière d'un Toulalan et d'un Plasil, d'avoir joué une finale de Ligue des Champions... d'avoir fait des sélections, oui, des machins, sûr, des trucs, sûr. Des coupes du monde, des et bien le jour où il aura cette expérience-là, Malcolm, ouais, là peut-être il pourra faire un peu sa starlette et sa princesse, mais jusqu'à maintenant, ok, t'es bon sur le terrain, mais c'est tout, ferme-la, tais-toi. Tu sais ce qui manque à Bordeaux de l'extérieur, tu parlais d'Ulrich Ramé. Ulrich Ramé, les mecs le connaissent pas. Je pense que Malcolm, il sait pas qui c'était Ulrich Ramé. On lui a sûrement dit, mais je pense qu'il le connaissait pas, tu vois. Mais il manque un mec... qui pèse et qui soit respecté. C'est ça. Exactement. Et un mec qui soit capable de dire « Attends, Malcolm, t'es, par rapport à Bordeaux, je ne sais pas qui tu es, mais t'es rien. » C'est ça. Voilà. Des mecs comme toi à Bordeaux, il y en a eu 100. T'es bon, mais t'es pas meilleur que Giresse. C'est ça. T'es bon, mais t'es pas meilleur que Tigana. Que t'es bon, mais t'es pas meilleur que Zidane. C'est ça. Donc, là où tu es, c'est plus grand que toi. C'est ça. Mais moi, c'est ça, l'institution doit être au-dessus de ce garçon, Bernie. Et oui, mais sauf qu'à partir du moment où les mecs... tu sais, par exemple, qu'à 48 heures du match, Malcolm, il était à Paris, fêtait son anniversaire. Ouais. Oui, j'ai vu la d'accord photo. Et il n'avait pas l'autorisation du club. Hein. Et sans trahir de secret, il y a plusieurs de ses coéquipiers qui avaient plutôt les boules. Parce que de voir qu'il se mettait en scène sur Snapchat et compagnie, moi, j'ai pas ce truc-là, mais il paraît... J'ai vu. Et là, ça, par exemple, toi, ça t'a pas mis les nerfs qui aiment les Girondins de voir que ce mec-là, dans la situation de Bordeaux, à 48 heures du match, est comme ça à Paris. Tu sais ce qui m'a mis encore plus les nerfs, Manu? C'est même pas tellement de voir Malcolm faire ça. C'est que derrière, il n'y a rien. Il n'y a aucune sanction. Il n'y a rien du tout. Il n'y a que dalle. C'est ça ton problème. C'est que Malcolm, il a un président quand même. Il y a un président, il y a un actionnaire. Trio savait le faire. Mais oui, mais Trio déjà. Et puis, mais ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, Malcolm, je pense clairement que ses agents ils lui disent qu'il est plus grand que Bordeaux. Mais évidemment, c'est sûr. Je pense que c'est la réalité. Je pense que c'est vraiment ce qu'on lui vend. Mais bien sûr. Oui, mais sauf que quand tu dis c'est la réalité, non. Ah non, c'est en fait. Non, non, c'est pas le mot. Mais je pense que c'est vrai. C'est vraiment le discours que lui portent ses agents. Ah, c'est quand même pas moi qui vais te vendre qui est Bordeaux. Non, non, mais évidemment, non, mais c'est pas du tout ce que je pensais. Bernie, moi je voulais te poser une question, Manu. Voir citer un peu de mon avis. Moi, je pense que le problème, c'est que la vision de tout le monde vis-à-vis du club de Bordeaux est complètement biaisée par rapport à son passé et à son palmarès. Et que le problème, c'est que Bordeaux, depuis au moins 2009-2010, ne progresse plus dans ses infrastructures et dans son organigramme et dans sa manière de travailler. Et le souci, c'est que tous les autres clubs autour, ils ont travaillé intelligemment et mieux que Bordeaux, et que du coup on reste sur les gloires placées. Regarde, toi tu cites Tigana, Giresse, mais il n'y a plus personne. Voilà, Saint-Etienne, c'est pareil, ça ne travaille plus ou pas assez bien, parce que j'en parlais avec Cyril, il te faut un vrai directeur sportif. Tu pouvais garder Jocelyn Gourvennec, mais il te fallait un mec avec de la poigne en DS. Mais le problème, c'est que Bordeaux reste sur ses acquis. Pour moi, Bordeaux ne travaille pas pour s'améliorer. Non, et puis là où... Et en plus, quand c'est lui qui le dit, ça a du poids, ça a encore plus de sens, c'est quand Dugarry te dit que c'est d'être un ancien Bordelais n'est pas un diplôme, il a raison. Oui, il a tout à fait raison. Clairement. Et c'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, de l'extérieur, moi, je peux vous dire ce qu'il se disait, c'est-à-dire que la difficulté pour les mecs, c'est quand ils sont pas Bordelais. C'est-à-dire que t'as l'impression que quand tu viens pas de Bordeaux, c'est plus difficile. Parce que t'as les anciens qui pèsent pas mal. Ah oui. T'as les anciens qui pèsent pas mal. Et à un moment, les anciens, t'as l'impression que leur boulot, un peu comme à Saint-Etienne, et tu as raison, c'est de faire en sorte que les choses ne bougent pas. C'est ça, mais exactement. Après, garder leur poids. Sauf que aujourd'hui, quand même, tu parles des anciens. T'as des gens dans le circuit du foot à Bordeaux, qui, et c'est pas le cas partout, si je te demande de me citer aujourd'hui un Stéphanois de 40-45 ans qui a du charisme, de la compétence et qui est respecté. Jérémy Jeannot. Voilà. Loïc Perrin, mais il est sur le terrain. Qui a Auxerre. Il a pas cet âge-là quand même. Mais, tu vois, Manu, non, même Jérémy Jeannot n'est même pas à Saint-Etienne. Mais sauf que Jérémy, au niveau de la carrière, il a fait une très belle carrière en ayant joué en Ligue 1. Qui a une très belle carrière. Mais quand tu regardes les mecs de Bordeaux de 40-45 ans, Dugarry, Nicou, Lizarazu, Zidane, Nicou, tu vois ce que je veux dire ? C'est pas la même. C'est des mecs qui parlent, qui sont intelligents, qui sont plus ou moins encore à rôder dans le milieu du foot et qui sont respectés. C'est surtout ça, surtout qu'ils sont respectés. Oui, mais... Parce que Ulrich Ramé, il a un grand palmarès à Bordeaux. Mais qu'à Bordeaux. Je respecte totalement. Mais ce que je veux dire, c'est qu'Ulrich Ramé, je le vois pas du tout taper du poing sur la table et être capable de monter dans les tours, tu vois. Moi, ce qui m'énerve encore plus, j'en ai souvent dit à ce micro, c'est ce mutisme, ce truc de dire j'ai de compte de rendre à personne. Mais il faut que Ulrich Ramé, quand même, il n'est pas président. Il a un président qui est Monsieur Martin. Je comprends même pas d'ailleurs que Monsieur Martin part au feu régulièrement. C'est ce qui fait aussi, je pense, qu'il devient de malheur à ses dépens. C'est-à-dire qu'il le fait que le gars en dessous de lui ne veuille pas aller au feu, du coup lui il y va à sa place. Tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, Ramé, mais qu'il vienne s'expliquer. Parce que mais son poste n'est même pas défini. Aujourd'hui, il y avait conférence de presse pour Éric Bédoué. Parce que c'est lui qui va reprendre le groupe jusqu'à normalement la semaine prochaine. Jusqu'à lundi. Voilà. Il était là, Ramé? Bah non, c'était Martin. C'était non, mais Ramé, ses missions ne sont même pas définies. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas ses missions. Alors, Ramé, tu le mets ambassadeur du club. Pourquoi pas? Le mec, il parle avec les sponsors. Je suis sûr qu'il représente quelque chose à Bordeaux. Pour les chefs d'entreprise, pour le lien. Pour les partenariats ou les sponsors, peut-être. Très bien, il est à sa place et il représente quelque chose et il est légitime. Mais c'est pas je veux dire, en directeur sportif, tu l'as essayé. Ok, maintenant, attends, excuse-moi, mais Ulrich Ramé, quel est son entre-gens? Je veux dire, quel est le réseau qui fait que tu te dis, ah ouais, Moi, Bordeaux, alors ça fait ancien combattant, mais je me souviens de Camporo. C'est autre chose. Oui, tu vois ce que je veux dire ? Oui, oui, c'est mes... Je sais pas. Parce que quand tu dis que Bordeaux ne travaille pas, je veux dire, c'est quel est aujourd'hui, si je te demande, alors ça va vous faire. J'ai dit travaille mal. Si je te demande le projet à 5 ans d'un club comme Nice, j'ai l'impression que tu comprends ce qu'ils veulent faire. Oui. Si je te demande le projet à 5 ans d'un club comme Montpellier, qui sera beaucoup moins ambitieux que celui de Bordeaux, mais je pense que tu comprends l'idée. Oui. Tu vois ce que je veux dire ? Quel est le projet à 5 ans de Bordeaux ? Dis-moi. Tu lèves le même point que moi. Et moi, pour aller même un peu plus en profondeur, ça fait 3-4 ans que pour moi je dis que le mal, c'est pas l'équipe première, c'est le centre de formation et la CFA. Quand tu vois les résultats, moi on me sort sur Bordeaux, mais non, la CFA, que ce soit CFA 2, CFA, c'est pas important, mais c'est pas important dans le sens où il n'y a aucun joueur qui sort. Mais on nous ment, on nous a parlé de la génération 99 qui allait être phénoménale. Moi mais on voit bien que c'est faux. On voit bien que ça va être des joueurs. Bordeaux fait de la formation de masse. Bordeaux fait de la formation pour avoir des pourcentages sur les transferts. Moi, c'est exactement ça que je ressens. C'est pas forcément Bordeaux, je cherche pas à faire comme Lyon. Mais à la limite, pourquoi pas ? Je veux dire, tu prends un club comme Nice, tu prends même à la limite des clubs comme à la limite, c'est le paroxysme, mais Monaco. Tu te dis, Monaco, leur idée, c'est de prendre des mecs, de les faire jouer et de faire de l'oseille dessus. Et pour te permettre de continuer à jouer et à recruter des mecs plus forts. Pourquoi pas ? Tu vois ce que je veux dire ? L'exemple parfait. Monaco, ce qui est incroyable quand tu penses, c'est que, regarde, tu fais le tour, à chaque fois, ils ont vendu les mecs au maximum de leur prix. Mais bien sûr. Aujourd'hui, moi, je vais te dire, quand on me posait la question, les supporters girondins, c'est pas fini, mais même si ça va être difficile de le faire, on me disait, Malcolm, tu ferais quoi ? Je le vends. Alors, moi, je dis, moi, c'est une offre à plus de 40 millions, prends le chèque. Ah oui, ouais, mais je l'amène en compte-toi à l'aéroport, y'a pas de problème. Et le mec, il me disait, mais non, cet été, il vaudra 60. Non. Tu sais pas. Mais jamais. Surtout en ce moment. Le gros problème sur ça, sur Malcolm, juste, je réponds, c'est qu'à Bordeaux, on n'a pas de réseau de recrutement. On n'est pas indépendant en matière de recrutement. Mais même et par rapport sur, non, mais juste, je finis ma réflexion, après vous pouvez répondre. On va avoir 40 millions. Tout le monde va savoir qu'on va avoir 40 millions. On va nous vendre des brels à 10-15 millions d'euros parce qu'on ne sait pas acheter. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Regarde, Mitrovic à 15 millions. Tu n'as pas de réseau. Quand tu dis que tu n'as pas de réseau, là où c'est flagrant, j'en avais parlé, c'est que regarde le pouvoir qu'ont les agents à Bordeaux à chaque fois. Oui, à chaque fois que ça compte pour les coachs. Quand c'était Sagnol, on a dit que c'était l'équipe de Stéphane Courbis qui faisait venir ses joueurs à lui et que c'est lui qui faisait le recrutement. Oui, quand ça a été Gourvennec, on a dit ouais, c'est l'équipe à Bernès. Non, c'est exactement ça. Et pour alors, revenir sur les jeunes. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, quand tu te sers de ce réseau-là, tant mieux. Mais tu dois avoir quelqu'un qui est au-dessus de tout ça. Faut qu'il y ait un agent. T'as pas un agent qui va s'imposer à Lyon, hein. Pas un. Non, c'est sûr. Alors la comparaison va pas vous plaire, mais. Si, moi je l'adore. Mais c'est exactement le contre-exemple. Mais on rêve tous d'avoir un président comme Olas. Non, mais. On se crée, ouais. En matière de com, en tout cas. Mais justement, si. Mais non, mais c'est mais génial. Tu vois, Manu, tu rejoins clairement mon point de vue quand je te dis que ça travaille pas et que ça régresse même. C'est que déjà, à la base, tu dois avoir un réseau de recrutement au moins local. Au moins local pour sortir pas forcément une pépite par an. Mais nous, moi, à mon niveau, tu vois, à Valenciennes, t'as un mec, il a 18 ans, il est titulaire en latéral gauche. Tu cherches un latéral gauche, je suis sûr que tu claques 2 ou 3 millions, Niakate ou Niakité. Ouais. Et ben, pourquoi il viendrait pas à Bordeaux ? 18 ans, au pire, tu prends pas un énorme risque. Mais là où tu dois faire de la masse, c'est que par exemple, l'exemple que tu donnes est très parlant. J'en ai un autre à te donner où j'en parlais, Nicolas Gavory. Formé à Auxerre, il est dans l'équipe type de Ligue 2. Oui. D'accord ? Il lui reste un an et demi de contrat, il sort à 250 000 euros de Clermont. Son salaire tout de suite à Clermont, il est de moins de 5 000 euros. Ben oui, tu prends pas de risque. C'est-à-dire tu lui files comme t'as fait avec Palois. Alors c'est beaucoup d'argent, hein, 12, mais dans le milieu du foot. Non, pour le foot. Ce que je veux dire, quel est le risque d'un club comme Bordeaux d'investir 250 000 ou 300 000 même, tu vois, avec les prix. Oui, au pire, tu fais pas jouer, c'est pas bon. Signature, 300 000, quoi. Comme a fait Lyon avec Mateta. Aujourd'hui, dans le milieu du foot, le mec, il fait 10 bons matchs, il vaut 10 millions. C'est ça. Mais non, mais c'est parce que tu sais pas négocier, parce qu'après, même en Ligue 2, tu vas chercher à Sochaux, pour moi, il y en a deux, voire trois, je peux t'en citer trois, que je trouve qui ont un gros potentiel. T'as Jean Ruiz, le milieu sentinelle. Ouais. T'as Fuchs qui peut jouer latéral droit et qui joue tous les postes au milieu. Et il y a Maxence Lacroix en défense centrale. Ils ont 18 ans. Mais tu regardes, mais à Au Havre, il y en a plein. Quel est le bon coup de recrutement intra-Ligue 1 ou Ligue 2 de Bordeaux, par exemple ? Palois. Palois. Palois, 1,5 million. Non, mais je parle en termes de, pas de chiffres, en termes de ce que ça t'a coûté, des services qu'il t'a rendu, quoi. Ouais. Et mais alors, ce que je veux dire, c'est un mec que t'as acheté en Ligue 2, par exemple, Laborde, c'est bien. Laborde, il a un parcours qui est intéressant, et je le suis d'autant plus qu'il a, il a flambé à Clermont-Ferrand, d'où je viens. Et tu te dis, tiens, là, ils ont fait un parcours qui vaut quelque chose. Parce que je pense que Bordeaux... Ils doivent prendre de l'oseille. Mais sinon, ils n'ont pas ces trucs-là. Tu crois, Manu, que les dissensions entre... Enfin, les problèmes entre Gourvennec et Ramé, ils se sont souvent... voilà, l'un voulait De Préville, l'autre voulait De Jong. Enfin, il y a eu plusieurs petits... Ils ont chacun essayé plus ou moins d'imposer à chaque fois leur choix. Tu crois vraiment que ça... Ben voilà, c'est ce conflit entre guillemets, cette opposition qui a... C'est forcément un des éléments. Parce que si tu regardes, par exemple, l'aveu d'échec, entre guillemets, c'est Paul Baïs. Parce que je peux t'assurer, enfin c'est une notoriété publique, au mois de juin, Paul Baïs, il attendait qu'on l'appelle. Ah oui, il a même appelé un dirigeant des Girondins, je ne sais pas si vous l'avez su, pour dire, les mecs, je suis là. Oui, il a attendu au dernier moment avant d'aller à Malaga. Oui, on a clairement. Dans les médias, on est allé jusqu'à dire, aux Girondins de Bordeaux, qu'on ne voulait pas de retour d'anciens parce que c'était contre-productif. Oui, mais Manu. Le mec, il était gratuit. Oui. Il est formé à Bordeaux. Il a l'expérience de Ligue 1, c'était le capitaine de Nice quand même. Ouais, c'est pas... Nice avait fait une grosse saison. C'était quoi le risque? Oui, mais Manu, le risque, là, tu l'as pris. Tu l'as pas acheté trop cher, hein. Tu l'as acheté 1 million. Oui, franchement, honnêtement, on s'en sort pas trop mal. Tu l'as payé beaucoup plus cher que tu l'aurais eu cet été en salaire. Et tu lui as filé un an de contrat de plus qu'il voulait cet été. Donc il a pris 6 mois d'oseille à Malaga en plus. Voilà. Non, mais là où c'est cohérent par rapport au choix qu'a voulu mettre en place Gourvennec, à partir du moment où tu te sépares d'un profil comme Palois, tu peux pas t'orienter sur un profil comme Baïs. Mais oui, mais ce que je veux donc, dire, c'est non, mais tu vois, donc c'était cohérent à l'été. Je suis d'accord, mais sauf que là, le fait de le reprendre cet hiver, c'était un aveu de faiblesse qui, quelque part, est aussi un aveu d'intelligence. Oui, mais oui, quand, oui. Quand tu parlais du recrutement entre les deux, le problème, c'est si tu vois ça de façon extérieure, comment tu peux imaginer qu'un directeur sportif et un entraîneur puissent ne pas bosser ensemble? Ah mais oui, non, mais là, je suis d'accord. Bienvenue au Girondin de Bordeaux. Mais par exemple, tu vois, Sainté, c'est ce qui se passait. Faut se passer de notoriété que Galtier avec Ventier c'était chaud. Gassé il est arrivé, il a dit à Ventier, je sais pas à quoi tu sers mais c'est moi qui parle. Mais Manu, il a appelé les mecs. Tu disais que le dernier coach à avoir réussi à Bordeaux c'est Laurent Blanc. Laurent Blanc c'était le dernier vrai coach qui avait une fonction aussi de directeur sportif, un manager à l'anglaise un petit peu. Aujourd'hui on parle de Michel Prudhomme. Qui a déjà été directeur sportif dans un club, qui a géré la formation aussi au Standard de Liège, qui a été coach, qui a eu plusieurs expériences. On parle aussi d'un profil dont on n'a pas le nom, d'un étranger aussi, mais qui serait grosso modo dans les mêmes compétences que Michel Prudhomme. On peut dire est-ce Mihailovic, qu'on s'oriente Non, c'est pas Mihailovic. Alors Mihailovic, je me suis renseigné, il a été proposé, ça c'est sûr. Il a été proposé. Mais Bordeaux a mis de côté. Là, par exemple, ça serait très très dangereux de prendre Mihailovic. Oui, bien fait. Moi, ce qui me fait peur, c'est que Bordeaux soit tenté par un Bielsa, tu vois. Ça me terroriserait, tu vois. Là, je meurs. Par un Bielsa. Par un Bielsa. Non, on n'est pas désespéré à ce point-là. Mais, je ne peux pas dire ça, parce que je pense que ce n'est pas possible. Maintenant, je pense que le coach de Bordeaux, à 9 chances sur 10, vous le connaissez. Hein. C'est Michel Prudhomme. C'est Michel Prudhomme. Et par contre, de ce que je sais, il y a beaucoup de bêtises qui sortent sur ces exigences. Ah oui, tant que ça. Oui. Moi, de ce que je sais, moi, c'est pas une question d'argent. Alors, c'est pas de ce que je sais, c'est pas une question d'argent pour lui. C'est-à-dire que par contre, il a une exigence par rapport au staff et à ses prérogatives. Et dans ses prérogatives, il va y avoir le problème de Ramé. Donc, on est d'accord que c'est un problème. Parce que Prudhomme, et tu peux te renseigner, donc moi j'ai demandé, a parmi ses quelques traits de caractère, une énorme personnalité. Ouais. Et puis il a des réseaux. Et une énorme personnalité et une indépendance. C'est-à-dire que le mec, il était au top. On lui a proposé une prolongation avec énormément d'oseille. On ne lui a pas donné ce qu'il voulait en matière de pouvoir. Il n'a pas prolongé. Donc c'est pour ça quand je te dis que c'est pas que ça. Mais moi là où je pense que c'est une décision qui est un peu stratégique, c'est que Prodhomme, clairement, ne travaillera pas avec Ramé. Donc, okay. C'est donc on repart sur, ouais. sur un manager un petit peu à l'anglaise, avec un entraîneur aux compétences élargies. Et qui, par rapport à son intelligence, j'ai trouvé ça, par exemple, extrêmement malin, de vouloir faire venir Fernando de chez vous. Oui, oui, Menegazzo. Voilà. Donc c'est une vraie rumeur. Fernando, moi. C'est une vraie rumeur. Je sais que Gérant d'Info là, ah oui, c'est une vraie en a parlé. C'est vrai. Oui. Et lui, par exemple, c'est une façon de mettre quelqu'un qui connaît le contexte local, qui a la connexion avec les supporters, et avec c'est très important, qui sait à qui parler, comment parler. Et qui a vu les deux faces surtout. Et qui connaît Prodhomme, parce qu'il a eu à Bruges et en Arabie Saoudite comme coach. C'est pour ça que je te dis que c'est aussi... Moi, je pense que ça va se faire, mais que le souci... Alors, c'est toujours un souci financier pour ces gens-là, mais c'est aussi un souci d'ego et de pouvoir. C'est-à-dire que Prodhomme, comme Oscar Garcia Sainte, c'est un mec qui a énormément d'ambition et qui voit ça comme un tremplin. Et Manu, tu crois vraiment que Prodhomme avec peut-être Fernando, bon, admettons qu'il s'arrange hein, avec Ramé, ou je sais pas comment il se débrouille, et pourquoi pas Martin pourrait pas dégager Ramé jusqu'à preuve du contraire, il est loin d'être intouchable. S'il y a un choix à faire entre un coach qui veut venir mais qui te dit écoute moi je peux pas travailler avec celui-là, Ramé il est surtout dans la réunion avec sa clause de reconversion en fin de carrière. Voilà. Le souci de Ramé, à la limite qui n'en est pas un, c'est que de se séparer de lui, c'est aussi se séparer de lui, pas juste pour aujourd'hui, mais de le mettre à l'écart du club en sens par rapport aux responsabilités qu'il a. C'est là où la décision. Après, je veux dire, il y a des gens dans tous les clubs qui ont des reconversions et qui ne sont pas directeurs sportifs. Oui, et puis même, Ramé, que je sache, c'est avec qui on en parlait Au pire, il finira à J+1, puis voilà. Ouais, non, mais il y a quand même un truc, à un moment donné, je ne sais pas, si vraiment on veut faire signer un mec... En l'occurrence, Michel Prodhomme, si on le veut vraiment, eh ben tu fais en sorte de l'avoir vraiment. Mais moi, des bruits que j'entends, c'est que c'est fait avant lundi. Avant lundi soir, c'est fait. L'entraîneur. J'ai mis aujourd'hui un chronomètre, c'est parce que de ce qu'on m'a dit, il voudrait que ça soit plié demain. Oui, alors ça, bon. Ça me demande. Le problème, c'est que ça changera pas grand chose au match de Nantes, à savoir qu'on va prendre une tonne. Après le match de Nantes, but pour l'OM, ça va vous faire plaisir. Si tu me dis que c'est Payet, on raccroche de suite. Hein. C'est Payet. Oh putain. Allez hop, mon petit gazon. Merci Manu, bonne soirée, c'est la pause. Non mais ce qui m'intéresserait plus que Prodhomme, plus que à la limite Fernando, etc., c'est il y a des choses par exemple qui ne t'expliquent pas à Bordeaux. À Bordeaux, tu ne vas pas faire un joueur parce que tu n'y arrives pas, ce qui est possible. Et derrière, tu sais que l'offre de 10 millions pour Ibrahim Amadou, elle a été posée. Hein. C'est incroyable, ça. C'est incroyable. On vient de filer 4-5 millions à Gorbenec. Là, tu vois... Lille a craché sur 10 millions alors qu'il leur en manque 26 ou je ne sais pas combien. Non, mais je t'explique, Lille a craché deux jours après contre 17 hein, pour lui. Donc. C'est en Angleterre, à Sunderland. Et puis il y a Terrier là, qui est vendu. Donc, Et Terrier était vendu à Lyon. Lille, c'est un autre bordel. Tu vois, si tu as l'impression que c'est le bazar chez toi... Oui, c'est ce que je dis à chaque émission, on n'est pas lillois quand même. Hein. Bon, heureusement. Mais après Bordeaux, moi j'aimerais bien savoir quelle est l'idée. C'est-à-dire que le... Pas nous aussi. C'est quoi l'ambition du club? C'est-à-dire que à un moment, ça fait pas plaisir aux supporters. Mais si tu t'expliques, tu dis bon ben voilà, nous jouer la Ligue des Champions, c'est pas possible. Nous, notre objectif, c'est de jouer entre la 8e et la 5e place chaque année. Ouais, c'est la Ligue Europa, c'est ce qui est annoncé à Bordeaux. Et ouais, mais sauf que là, l'année dernière, tu l'as fait. Tu l'as fait dans des circonstances un peu particulières, mais tu l'as fait. Mais là, tu peux pas une année finir 14e et l'année d'après 5e. De toute façon, là où c'est très compliqué, parce que c'est bien, parce que ce que je dis à chaque début de saison qu'on fera en Ligue Europa depuis déjà deux coupes, et que ce soit Bordeaux ou une autre équipe, c'est que quand on est qualifié en Ligue Europa, pas par le biais du championnat, mais par le biais des coupes, il y a deux tours préliminaires à se farcir et que ta saison elle commence en juillet. Et ça, c'est très handicapant pour un club en général, et encore plus pour un club du championnat de France qui doit manger 4 compétitions. Oui, mais ça, tu le sais quand tu prépares ta saison au mois de mai. Tu sais que tu vas jouer deux tours. J'ai l'impression d'entendre Antonetti ou même maintenant Rudy Garcia C'était « Ah ouais, mais on a beaucoup de matchs à jouer. » Oui, mais, oh. Mais ces deux clubs, entre que Nice et Marseille aussi ont mangé deux tours préliminaires, c'est qu'ils ont une profondeur de banc que Bordeaux n'a pas, et une profondeur de moyens. Et par rapport Bordeaux à Nice, a pas eu le temps d'avoir une profondeur de banc en Coupe d'Europe. C'est ça, et parce que tu es en plein milieu du mercato, tu sais pas qui, tu peux avoir un 11 à ton premier tour, match aller préliminaire, complètement différent de ton premier match de phase de groupe si tu arrives à être qualifié. Mais là où je te rejoins et qui prouve aussi que le boulot n'a pas été fait, c'est que tu sais depuis cet été, donc depuis fin mai, que tu es européen, d'accord ? Mm-hmm. Tu sais que tu vas avoir un tour préliminaire et que tu as besoin de te préparer. Oui. De Préville, qui est ta recrue la plus chère, il est arrivé quand ? Oui, mais c'est ça. Mais parce que Bordeaux a été éliminé aussi. Non, mais... Pour faire plaisir aux supporters, en mode, on a lâché 10 millions. Non, mais c'est pas vrai. Ça veut dire que tu les avais et tu pouvais pas les faire avant. Si, mais qu'ils ont pris tout ça à la légère et c'est pour ça qu'on s'est fait. Le vrai truc, Manu, c'est qu'il y a eu un vrai débat à l'intérieur du club sur le profil. Il y a eu vrai débat, il y avait eu vraiment une confrontation d'idées sur les profils du neuf. Moi, de Jonque et de Préville. Oui. Est-ce que d'ailleurs, on sait que c'est une des priorités de Bordeaux sur ce mercato. On va terminer avec ça là. On termine, dernière question. Est-ce que t'as une petite info sur un profil ou un nom d'un neuf qui serait potentiellement. Ah, j'ai une dernière question alors après. Vas-y. Ouais. Après. Le profil d'un neuf. On a beaucoup entendu parler de Mitrovic, mais c'est peut-être un peu trop cher, j'imagine. Mais le problème, c'est un peu trop cher. Oui, c'est très cher parce que c'est un salaire anglais. Oui, voilà, c'est ça. Donc c'est très cher. Maintenant, là où je te dis que Bordeaux est insondable, c'est que Bordeaux a mis 10 millions sur Amadou et avec un salaire qui était aussi adapté aux 10 millions de recrutement, c'est-à-dire qui était sur un truc entre 150 et 180, quoi. Ouais. Tu vois ? Donc Mitrovic, à ce prix-là, tu l'as pas. Mais d'un côté, il coûte pas 10 millions. Oui, ça, on parlait d'offres à 15, quoi, à peu près environ. C'est pour ça que je quand je te dis que tu peux pas un jour dire « Ah non, mais faut qu'on voit parce qu'on vient de donner 4 millions à Gourvennec », ce que j'entends. Et puis, dans les deux jours qui suivent, poser des 8, 10 millions sur quelqu'un. Non, c'est ça que je comprends pas. Ah, donc ça va pénaliser l'indemnité, le départ de Gourvennec, qui va pénaliser. Mais c'est pour ça, je pense que Bordeaux a attendu au maximum avant de virer Jocelyn Gourvennec pour une question d'oseille. Et puis que aussi je pense qu'il faut le reconnaître, même si ça vous fera pas forcément plaisir à vous, que Gourvennec est un bon coach. Mais on n'en doute pas, on l'a tous dit, mais moi j'ai aucun problème avec ça. En se séparant de Gourvennec, tu sais ce que tu perds. Ok, les résultats n'étaient pas bons, il y a ceci, il y a cela, ok, mais aujourd'hui je veux dire, t'as pas Prodome, tu fais pas Prodome. Oui, c'est ça, tu fais quoi, il y a pas de plan B. C'est ça, ouais. Il y a un plan B, on ne connaît pas, mais il y a un plan B. Quand on entend parler d'Eli Bob, j'ai eu envie de rire. Ah, oui, moi aussi. On a vu des Bob, de Antonetti, tous les consultants. Voilà, ouais, tous ceux qui ne travaillent pas en ce moment. C'est ça, Eric Roy, il est longtemps. Donc, Eric Roy, il est à Lens. Il est à Lens, mais il est directeur maintenant à Lens. Je viens de capter. C'est quand même problématique, parce que... Bon, bref, dernière question. Ouais, dernier aussi. C'était juste savoir la situation de Pablo. Savoir s'il y avait des nouveautés, parce qu'il est dans le groupe pour samedi. Bah oui, forcément, il s'est en... Oui, mais depuis son retour, on savait pas s'il allait revenir, s'il allait pas revenir. On sait qu'il est revenu, c'est bien. Et depuis, silence radio. Donc ça reste qu'il y avait des infos. Déjà, son retour, je crois pas qu'il était... je crois qu'ils se sont adaptés à une situation. Je crois pas qu'il était. Tout à fait. En fait, ils ont cassé son prêt au Corinthians. Tout ça, si je dis pas. Non. Puisqu'il est parti en décembre 2017. Et ils ont jamais allongé l'argent. Il est parti janvier 2017. Il est arrivé janvier 2018. C'est ça. C'est les Corinthians qui n'ont pas payé l'option d'achat. Ils n'ont pas levé les 3 millions. Voilà, c'est ça. Ah ouais, quand tu lèves un truc à 3 millions. C'est bon. Après, ça peut être une bonne surprise, mais. Mais alors, je ne sais pas, j'avoue que j'ai pas ces infos internes-là. Je suis pas aussi bien renseigné que ça sur Bordeaux. Okay. Mais bon, après, ça... En tout cas, ce qui va être très intéressant, c'est le rebond. C'est ce qu'on avait dit à Costi la semaine dernière. Peut-être pas demain. Bernie, une dernière question, après on part en pause. C'était pas une question, Manu, c'était plus moi, au lieu des Gourvennec d'émission où j'étais pas d'accord. Pour moi, s'il fallait mettre un vrai DS en place, moi je pensais, tu vois, à un Leonardo qui s'était fait lâche virer de Turquie. Avec ce qu'il a fait au PSG, tu le mets avec en place avec un coach comme Gourvennec, et pour moi, tu relançais la machine. C'était pas le problème du coach, c'était le problème du DS et puis Leonardo. Alors là, le nom que tu donnes, ce mec, il a un réseau de folie, ça c'est très clair, mais il a un réseau de folie à partir de certains moyens. Oui, mais après, faut se donner le moyen de ses ambitions. Eh ouais, mais sauf que Bordeaux n'a pas les moyens de prendre un Leonardo. Mais ce que je veux dire, c'est que t'as d'autres mecs. Je vais te dire un truc, on parle toujours des mêmes noms. Est-ce que moi, je suis Bordeaux, j'appelle Olivier Piqueux du matin au soir. Tu sais qui c'est, Olivier Piqueux? Angers. T'as vu les recrutements que fait Angers? Il y a celui d'Amiens aussi qui est pas mal. Voilà, t'as vu ce que fait Angers comme boulot? Oui. Et ce mec-là, il fait avec 3 euros, il fait du boulot, si tu lui en donnes 10. Oui, imagine, oui. Mais s'il veut transmettre un CV, il n'y a pas de problème. Non, mais... ce que je veux dire, c'est que des compétences, il y en a. Mais quand tu tournes toujours au niveau des mêmes choses, c'est toujours les mêmes noms qui sortent. Alors, ça va être des anciens agents parce qu'ils vont avoir un bon réseau. Ça va être des anciens d'autres clubs. Tu peux être innovant. Tu sais, par exemple, moi, je suis quasiment convaincu qu'un jour, Éric Carrière sera un super entraîneur. Je suis pas loin de penser la même chose comme également. Comme Mickaël Andreau à l'heure actuelle avec Lorient, exactement. Qui fait pas du travail. Ce mec-là, je suis sûr que Éric Carrière, c'est un type, un manager qui va avoir un gros défaut pour vous, qui est nantais. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il a une compétence. Tu sais dans ta façon de faire. Ouais, c'est vrai. Bon, mais il a quand même joué plus longtemps à Bordeaux. Mais tu sens que ce type, il a quelque chose. Et Lorient, par exemple, ils ont été innovants. Pour l'instant, ça paye. Pour le moment, ils sont pas trop mal. Donc des compétences, tu en as. Après, il faut avoir des idées. Et par exemple, Prodhomme, ça peut en être une. Parce que c'est pas un nom qui circule d'habitude sur. C'est ça. Ouais, voilà. Bordeaux, il est quand même récurrent parce qu'il habite dans le coin. Donc. Mais c'est pas toujours les mêmes qu'on entend, Girard, oui. Machin. C'est ça. C'est mais pas. Chez Gourvennec, on avait déjà entendu parler de Prodhomme. Oui, mais c'est pas les noms qu'on entend dans le championnat de France en général. Tu vois, quand il y a un entraîneur qui saute, voilà, c'est pas les. Toujours les mêmes. Et encore en Ligue 1. En Ligue 1, ça va, mais en Ligue 2, quand Auxerre, ils en ont plus, t'as eu Bob, Antonetti. Oui, tout ce. Papin. Le pauvre Courbis, il lui en a encore parlé à RMC tout à l'heure à Lazare. Oui. Ah, coach, Bordeaux. Bah oui, Courbis, le pauvre, dès qu'il y a un club français qui dégage un entraîneur, il se retrouve. Et je pense que Galtier a entendu la trêve, savoir si Gourvennec se faisait sauter ou pas pour poser son CV. Alors, je vais te donner un secret de Polichinelle, t'as 100% raison. Ah ouais, c'était sûr. C'est-à-dire qu'il a un membre de sa famille qui vit pas loin. Allège, son fils a été entraîneur à Allège. Les deux jours d'écart entre la tête sauvée de Gourvennec et l'engagement de Galtier à Lille était assez suspect de base. Mais c'est logique, c'est-à-dire que tu sais aussi que Bordeaux, dans l'inconscient, surtout de la génération de Galtier, ça veut dire quelque chose, et que ce qu'il a réussi avec Saint-Thé avec moins de moyens qu'à Bordeaux, il a dû se dire, à Saint-Thé, on se rend compte semaine après semaine que c'est un exploit ce qu'il a fait. Mais lui, par exemple, après, il y a forcément des gens qui auraient dit, ouais, au niveau du jeu. Voilà. Maintenant, le problème, c'est qu'aujourd'hui, tu me dis, prends un directeur sportif. C'est ça. Va en trouver un qui a envie de venir dans le contexte actuel. Les mecs qui ont envie de venir, il y en a, mais il faut juste essayer d'être innovant. Il y en a, mais avec quelle mesure? C'est pareil qu'avec Prodhomme. C'est s'il faut travailler. Non, mais déjà, ton directeur sportif, il faut un qu'il ait du réseau. Mais faut qu'il y en ait qu'il un ait du réseau base. À l'international. Et ça se trouve pas un tout. De base, directeur sportif. Même, je suis sûr que Ramé ne sait même pas qu'il est directeur sportif. Mais parce que Ramé n'a jamais bougé de Bordeaux. Comment voulez-vous qu'il soit directeur sportif? Mais par exemple, tu sais, avec tous les Brésiliens qui sont passés à Bordeaux. Mais Fernando avait le profil. Et bien, tu sais, par exemple, à Lyon, ils ont fait beaucoup d'oseilles. Et beaucoup de résultats avec Marcelo, l'ancien joueur qui avait un réseau de fou au Brésil. Avec tous les Brésiliens qui sont passés par Bordeaux, tu dois avoir ce réseau. Mais Fernando est agent. À la base, Fernando Menegazzo est agent au Brésil. On a eu Geraldo Vendel la semaine dernière, c'est ce qu'il nous a dit. Il y avait Rai aussi qui, avant de partir à Sao Paulo, était disponible depuis un long, long moment. Tout à fait. J'avoue que j'ai de la tendresse pour lui. J'ai beaucoup de tendresse. Bah, tout français. On l'a déjà eu en émission et il attendait des propositions en Europe. Après, voilà, on peut pas non plus. Enfin, qu'est-ce que vous voulez ? On n'a pas les idées, malheureusement. En tout cas, Manu. C'est un peu dommage parce que tu sais, nous, on est, et vous, à l'extérieur, t'es passionné. C'est un truc qui, si t'as pas les idées quand c'est ton métier, bah, change de métier, tu vois. C'est un peu embêtant, c'est clair. Change de métier. Des réseaux, tu dois en avoir beaucoup. Tu dois avoir l'embarras de toi. Maintenant, ce qui doit pouvoir vous rassurer, c'est que Bordeaux, ils ont dû recevoir 50 ou 60 candidatures. Hein, pour c'est sûr. Je te dis pas qu'il y avait que des points, tu vois. Non, mais c'est vrai que c'est... Il y avait peut-être du Ladislas Lozano. Dans oh, merde. Au moins, ça fait toujours rêver les gens, c'est toujours ça. Bah, Lozano, je suis pas sûr. Ouais, non. Bah, Lozano, je pense que Bordeaux, tu lui dis prends Bordeaux, il va pas cracher dessus. Ah non, mais lui, il a dû postuler, mais nous, on a dû jeter. Il a un CV enregistré depuis 2005, il nous envoie. Non, mais toi, au moins, bon, tu restes toujours un petit peu attractif. C'est vrai que ça fait toujours bien de dire, allez, je suis passé par Bordeaux. Pour l'instant, parce que les générations passent. Mettez à un tournant, donc après, on va voir ce que ça va donner. Et après Prodome, je le connais pas du tout dans sa façon de jouer, etc. J'ai juste suivi ses résultats et sa réputation. Mais non, j'ai pas vu les matchs du championnat de Belgique, tu vois. Ni ceux d'Arabie Saoudite. Écoute. Et c'est pas surprenant. Tant qu'il ne nous amène pas. Si tu veux, dis-le en gascon. Tant qu'il ne nous y amène pas. Au prud'homme, voilà, ça c'est fait. Ouais. On peut partir là-dessus, je crois. Tout ça pour ça. Je crois qu'on n'aura pas plus haut. On est d'accord qu'on peut pas aller plus haut. Il rejoindra Guinovès. J'ai à rejoindre. À rejoindre Guinovès chez Coluche et Johnny Hallyday. 22h13, on va faire la pause. Merci beaucoup, Manu. Attends, Manu, oui. Juste pour. Donc tu es Yahoo, c'est ça ? Tu es Yahoo Sport ? Ouais. Et tu as d'autres médias que. Ouais, normalement, là tout de suite, je suis payé par Yahoo Sport, donc c'est un peu délicat, mais on verra. Ok, mais les gens peuvent te suivre sur Twitter. C'est le mercato. Ouais, les gens peuvent me suivre. Je m'appelle Manu Longeon, et donc je suis sur Twitter, et puis on verra après quand le mercato sera terminé déjà ce que je ferai. Et Manu, si je te suis, tu vas pas porter plainte pour harcèlement ? Il y a beaucoup de gens, en tout cas, qui ont vraiment apprécié sur le chat certains propos que tu as pu tenir dans cette émission. Écoutez, c'est gentil, merci. J'aime bien les Bordelais aussi. Globalement. Merci beaucoup, Manu. Bonne. Avec plaisir. Merci et puis bonne continuation. À vous, ça vous en falloir. Tu sais, à force. C'est gentil, merci. Merci, Manu. Ciao. Bonne continuation. Ciao. Ciao.